Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, assisté de Michel, diffusé en direct mercredi 13 janvier 2016, de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 14 janvier dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis, à la demande, sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Michel pour cette annonce. Dite d'une voix charmeuse, je salue notre ami Franck à la technique et bien sûr tous les auditeurs qui nous écoutent, qui vont nous écouter en direct. Eh bien, 4 semaines se sont écoulées, ça va vite, et nous voici au début de l'année 2016, donc c'est le moment ou jamais, amis auditeurs de Radio Courtoisie, de vous présenter nos vœux les plus chaleureux. Ben, je vous souhaite, que dire, la meilleure année possible ou la moins mauvaise. Je forme évidemment des vœux pour le redressement de la France aussi, pour le développement de Radio Courtoisie, qui compte beaucoup sur vous. Et voilà. Donc, je vais vous présenter le menu du jour, qui est, disons-le, sans fausse vanité, assez riche. J'ai donc le grand plaisir de recevoir notre président, le président de Radio Courtoisie, Henri Delesquin, et Pierre Milan, qui est secrétaire général du Carrefour de l'Horloge et responsable de la Voix des Français, pour parler précisément des premières rencontres 2016 de ce Carrefour de l'Horloge. Vous savez que ça s'appelait Club de l'Horloge, maintenant c'est le Carrefour de l'Horloge, et il va y avoir évidemment des entretiens extrêmement riches sur la situation actuelle avec des participants de haute qualité qu'on va vous présenter très vite. Ensuite, j'aurai le plaisir d'avoir au téléphone Georges Clément du comité Les Pentes. Vous savez, ce comité Les Pentes se bat depuis des années pour la défense de la France française et de l'Europe européenne. Et Georges Clément va évoquer en quelques minutes l'opération porte ouverte des mosquées, enfin des mosquées, de certaines mosquées, qui est, vous vous en doutez, un bel enfumage halal. Il va nous parler également des agressions des migrants en Allemagne qui ne se sont pas limitées, malheureusement, au viol de centaines de femmes à Cologne. Il y a eu des événements très graves dans d'autres villes allemandes qu'il va évoquer. En seconde partie d'émission, eh bien, je vais vous parler des morceaux choisis du libre journal de Jean-Paul Chériguez de Olmeta. Bonsoir. Présent à mes côtés dans le studio. Alors, c'est le libre journal de Jean-Paul Chériguez de Olmeta où les riches heures du marquis du Berry. Oui, voilà. Je suis assez content de ce rapprochement avec les riches heures du duc de Berry. Et enfin, une fascinante exploration. Je vais vous offrir une fascinante exploration aux lisières de notre monde avec François de Witte, auteur de La preuve par l'âme. Un livre qui est un acte de résistance au matérialisme, au nihilisme et à l'athéisme qui nous détruisent. Voilà, voilà ce programme. Cher Michel, peut-être avez-vous le souhait, si j'ose dire, de présenter vos voeux à nos auditrices et auditeurs. Oui, je présente également mes meilleurs voeux à nos auditeurs et nous allons entendre à présent votre première chronique de l'année 2016, Gérard. Un Français parle aux Français. Voilà, ben elle est très liée, ça je ne le savais pas, à l'excellente émission qui a été diffusée à midi, entre midi et 13h30, de notre ami Laurent-Arthur Duplessis, émission consacrée à l'excellent et inquiétant livre de Gérard Pince, Le choc des ethnies. Voilà, donc voici cette chronique. Voilà déjà longtemps, hélas, que les irresponsables qui nous gouvernent ont ouvert toutes grandes les portes de nos pays aux loups venus d'ailleurs, et l'on s'étonne encore des méfaits qu'ils commettent. Les événements d'Ajaccio ne sont que la banale répétition de tout ce qui se passe dans nos banlieues depuis des lustres. Les jardins de l'empereur souffrent du même mal que les alentours de la basilique de nos rois, l'immigration inassimilable. Et les centaines d'agressions violentes des femmes à Cologne qui a secoué et peut-être réveillé une Allemagne bien mal récompensée de sa générosité ne sont que la version brutalement sexuelle des sanglants attentats commis à Paris et ailleurs par les plus fanatiques de ces envahisseurs prédateurs qui haïssent autant nos mœurs que notre culture. Je n'ose pas dire que notre race. L'historien Rémi Brague rappelle dans le Valeurs actuelles de cette semaine que le meurtre, le viol et le vol se trouvent hélas justifiés par certains textes islamiques et par la vie de Mahomet. Quand nos apprentis sorciers, aveugles, volontaires, regarderont-ils la réalité en face ? Quand comprendront-ils que leur dogme sacro-saint du vivre ensemble est une illusion dangereuse, voire mortifère. Il est temps d'admettre, même si c'est politiquement incorrect, qu'il y a des humains qui ne se supportent pas. Le choc des ethnies, on y revient. Des ethnies ou des groupes socio-religieux qu'on ne peut faire cohabiter parce que tout les sépare. Le mode de vie, les mentalités, les comportements, les croyances, les traditions, bref, la civilisation. Contraindre des familles humaines différentes et même disparates à vivre ensemble contre leur gré, c'est nier la force de la conscience identitaire, c'est risquer de multiplier les cités où couve la haine de l'autre, la haine de la société occidentale, confère les agressions de pompiers, de policiers et même de médecins et les virus des tueries djihadistes. Apportés par les migrations massives, cosmopolitisme, communautarisme et islamisme sont les trois fléaux qui tuent nos États-nations. Ce n'est en rien être raciste ou xénophobe ou islamophobe que de faire le triste constat de ces faits. Ce n'est nullement affirmer la supériorité des uns sur les autres. C'est tout simplement prendre acte d'une situation dont les conséquences gravissimes sautent aux yeux lorsqu'on voit le déplorable état du Liban ou lorsqu'on analyse certaines suites de la guerre d'Algérie. Peut-on à ce propos, sans être comme Nadine Morano, traînée dans la boue par les grandes consciences de la vraie gauche et de la vraie droite, peut-on de nouveau citer le général de Gaulle ? Au sujet de l'intégration, le vivre ensemble de l'époque, ce nazi bien connu déclarait sans embâge « Ceux qui prônent l'intégration ont des cervelles de colibri, même s'ils sont très savants. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille vigoureusement. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Bref, les Arabes sont des Arabes, les Français des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40 ? De Gaulle avait raison. Ô combien ! Le grand remplacement a confirmé depuis qu'un trop-plein d'allogènes défigure et risque de détruire à terme une société restée jusque-là relativement homogène. D'où le malaise ressenti par les Français de souche qui se sentent dépossédés de leur pays. Nous ne devons pas oublier pour autant les patriotes d'autres origines qui sont devenus de vrais Français, eux, par le mérite ou par le sang versé, comme le disait si bien Jean-Marie Le Pen. Ceux-là n'ont pas volé leur nationalité. Héritière d'une sagesse populaire multiséculaire, nos grands-mères disaient avec bon sens « Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées ». Les rêves et les diktats mondialistes contre nature ont hélas fait voler en éclats ce sage principe de précaution. L'afflux des immigrés clandestins ne cesse pas. Si les médias n'en parlent plus, Charlie aidant, ils continuent d'arriver par centaines chaque semaine à Roissy. J'ai des informations très précises à ce sujet. Et d'être répartis ou en avion ou en train, aux frais du contribuable, bien sûr, à travers la France encore paisible, où se préparent de nouvelles jungles de Calais. La libanisation de la France avance à grands pas, comme son islamisation. À propos, savez-vous combien de mosquées salafistes prêchant le djihad ont été fermées par nos matamores lécheurs de babouches ? 4 sur 140, c'est ce qu'ils appellent faire la guerre au terrorisme islamique. Mot d'ailleurs totalement tabou dans la bouche de Hollande. Henri de Lesquin, ici présent, face à moi, ne répétera jamais assez que toute société multiculturelle et multiethnique devient tôt ou tard multiconflictuelle. Oui, merci de m'avoir écouté. Oui, cher Henri. Cher Gérard Marin, bravo pour cette belle chronique. La formule n'est pas de moi, mais de Michel Leroy, qui à l'époque était secrétaire général du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, et auquel notre ami Pierre Milan a succédé, qui c'est maintenant lui le secrétaire général. C'est Michel Leroy qui, le premier, je crois, a dit « la société multiculturelle et multiconflictuelle ». C'est d'une évidence. C'est essentiel. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai et on le voit partout. Et je vous propose, Gérard Marin, pour prolonger votre analyse, vos réflexions, deux remarques. Enfin, une remarque et une proposition. Bon, la remarque, c'est que les migrants envahisseurs qui se sont illustrés à Cologne et ailleurs, après avoir violé nos frontières, ont voulu violer nos femmes. Exactement. C'est aussi qu'on a appris à cette occasion que leurs pareils avaient fait de même en Suède, dans les fêtes suédoises traditionnelles, qui étaient un peu moins à cause d'eux. En 2013 et en 2014, des femmes suédoises ont été violées, et ce qui est extraordinaire, ce qui est scandaleux et remarquable, c'est que l'État suédois a fait l'embargo sur ces affaires. Personne n'en savait rien. La chape de plomb de l'antiracisme s'est abattue sur la Suède. On n'a pas parlé de ces événements, de ces viols de femmes suédoises par des migrants envahisseurs. La proposition plus générale est la suivante. Vous savez que la lutte des classes n'est pas une invention de Karl Marx. C'est une réalité. Simplement, quand on aime la nation, on veut dépasser la lutte des classes. On veut faire l'unité nationale. Mais c'est une réalité sociale. La lutte des classes devient aujourd'hui la lutte des races aussi. Exact. Alors là, vous me coupez l'herbe sous le pied. Pardon. Ce que je veux dire, et c'est ce que devraient comprendre les dirigeants du Front National en particulier, à l'intérieur de la nation française, et dans les autres nations d'ailleurs aussi, en Occident, la lutte des classes a laissé la place à la lutte des races, ou des ethnies, si vous préférez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les ouvriers ont perdu la conscience de classe, parce qu'ils ont retrouvé la conscience de race. Ils Absolument. Se sentent d'abord français, au sens ethnique et racial du terme, comme disait le général de Gaulle. Oui. Français de race blanche. C'est quelque chose de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Quelque chose qui tient au cœur et aux tripes. L'identité, c'est ce qu'on est et ce qui fait qu'on est différent des autres. C'est ça l'identité. Et donc, la lutte des classes dans les nations a disparu, enfin disparu n'exagérons pas, mais a été largement remplacée par la lutte des races. Mais au niveau mondial, il en va autrement. Au niveau mondial, il y a maintenant une lutte des classes inédite entre tous les peuples d'un côté et la superclasse mondiale de l'autre, qui, dans chaque pays, est représenté par une oligarchie cosmopolite qui veut imposer cet ordre mondial cosmopolite qui fait abstraction ou qui veut dissoudre les frontières morales comme les frontières physiques. Et donc la réaction des peuples, qui est d'ailleurs beaucoup plus forte, beaucoup plus nette dans les pays de l'Europe centrale, dans les pays de l'Est. La Pologne. Voilà, comme Kaczynski. La Pologne et la Hongrie. Alors je ne sais pas le dire en polonais, mais je veux dire « vive Kaczynski ». Voilà. La Pologne qui fait l'objet d'interrogations de la part de l'Union européenne, qui a saisi le tribunal international pour ouvrir une enquête pour le fait de savoir si elle était... Ils vont essayer de les empêcher. Si elle n'était pas effectivement... Elle n'est pas une politique contraire aux droits de l'homme, bien entendu. On ne sait pas comment à l'état de droit, Pierre Milan. Pierre Milan, tiens à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que l'état de droit est un mauvais concept, un faux concept, qui est en fait une arme pour l'idéologie dominante, le cosmopolitisme, contre les nations. La formule traditionnelle du droit français, c'est l'État légal. L'État de droit, pour faire court, c'est un État où le juge va relâcher l'immigré illégal, qui pourtant est hors la loi du point de vue du droit positif français actuel, parce que l'interpellation, le contrôle d'identité était irrégulier. C'est ça l'État de droit. C'est-à-dire c'est un État paralysé par les liens lilliputiens des juges gauchistes. Voilà ce que c'est. C'est exactement ce qui se passe. Si vous permettez cette... Bien sûr, Pierre Milhaud. C'est exactement ce qui vient de se produire en Allemagne, avec la responsabilisation de la police. Mmh. Dans cette affaire de viol pendant les fêtes, ce ne sont plus les immigrés, ce ne sont plus les violeurs que l'on poursuit. Une grande enquête est lancée sur l'action de la police. C'est quand même assez extraordinaire. Ah oui, ça, c'est une inversion des valeurs absolument totales. C'est ça. Et je lisais, alors je ne me souviens plus dans quel pays, je lisais que, tout à l'heure, que des cambrioleurs d'une pizzeria, devant la réaction du propriétaire de la pizzeria, avaient appelé la police. Les cambrioleurs. Parce qu'ils avaient peur d'être massacrés par le propriétaire. C'est qui avait déjà fait l'objet, je te passe tout de suite la parole, qui avait fait l'objet de, je vous passe, Président, tout de suite la parole, qui avait fait l'objet de deux cambriolages. Non mais c'est fou. Comme disait notre ami Serge de Beketch, mais vraiment, ce monde marche sur la tête. Il le disait souvent, mais c'est exactement ça. C'est l'inversion des valeurs. C'est l'inversion des valeurs. Voilà, bon, je crois qu'il serait temps tout de même de parler de ces rencontres du Carrefour de l'Horloge qui ont lieu donc samedi prochain, oui. 16 janvier, à la Maison de la Chimie, de 9h30, c'est bien cela, à 19h. Non, à 18h. À 18h. Et je vais demander à Pierre Milhaud de nous en donner le programme détaillé et les participants qui sont tous de premier choix, il faut le dire. Merci Gérard Marin de me donner la parole. Mais bien entendu, mon président est à côté, donc s'il veut intervenir, il peut le faire quand il voudra. Je crois qu'il faut dire qui d'abord, et de quoi l'on va parler. Alors d'abord, il faut savoir que c'est la première manifestation publique du Carrefour de l'Horloge. Et voilà. C'est très important. Ex-club de l'Horloge. Alors, c'est très important parce que le Carrefour de l'Horloge est né pour trois raisons principales, si vous voulez. D'abord, bien entendu, il est issu du club de l'Horloge, je ne dirais pas le contraire. Mais ce n'est pas ça le vrai. La vraie question, c'est que notre président Yves Lesquin et le conseil d'administration de l'ex-club de l'Horloge a pensé qu'il fallait véritablement... d'une part, maintenir des piliers de réflexion qui sont les nôtres, c'est-à-dire le libéralisme national, mais en le présentant sous une nouvelle organisation de sa réflexion. Et cette nouvelle organisation de sa réflexion doit être orientée selon trois axes: pensée, parole, action. Donc, la première manifestation du Carrefour de l'Horloge rentre bien dans ce cadre de la parole après la pensée, si vous voulez. Deuxièmement, nous souhaitons ouvrir le Carrefour de l'Horloge à un public le plus large possible et toucher, bien entendu, un public, le jeune, les étudiants, ceux qui rentrent dans la vie active, parce qu'il n'y a pas que les étudiants dans la vie, il y a aussi les jeunes ouvriers, il y a aussi ceux qui sont intéressés, ceux qui rentrent dans la vie active et qui s'interrogent sur la société qui non plus les accueille, mais qui dont souvent s'en méfie et qui les considère peut-être pas comme elles devraient le faire. Tous ces apprentis, notamment, dont on parle tant en ce moment. Voilà. Et enfin, troisième axe, une synergie de l'action avec diverses associations sœurs qui agissaient de façon séparée. Vous avez parlé, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je m'occupais de Voix des Français en un temps. C'est vrai, mais l'association Voix des Français, par exemple, travaillait un peu, pas dans son coin, puisque nous avions le même président, mais travaillait de son côté, le Club de l'Horloge travaillait de son côté, SOS Identité travaillait aussi de son côté, et on s'est dit, mais après tout, pourquoi ne pas rassembler, faire une sorte de synergie avec ces trois associations. Il faut réunir les actions pour en faire une plus grande. Il y a trop de divisions. D'où le terme Carrefour. Mmh. Le terme Carrefour autant le terme club, si vous voulez, est excluant. Autant le terme club est excluant. Oui, ça a quelque chose de fermé. Autant le terme Carrefour est ouvert. Voilà, oui. Nous vivons dans un monde qui ne nous plaît pas, pour beaucoup d'aspects, mais nous vivons dans ce monde. Donc il n'y a pas que la volonté de résister à l'anglophilie ou à l'anglomanie, comme on voudra. Non, moi je n'ai pas entendu parler de ça, mais enfin, cela dit, je crois que c'est ça les axes principaux. Oui, mais c'est important. Alors, c'est notre première manifestation. Alors nous sommes un peu intimidé, bien entendu, mais aussi en même temps fier de l'affaire. On a des deux sentiments un peu parallèles, parce que nous sommes intimidés parce que nous lançons cette opération dans un grand public. Et alors, par exemple, je donne un fait, l'entrée est gratuite. Nous ne demandons à personne de payer pour venir nous entendre. Donc, nous faisons un effort financier, d'ailleurs, il faut le reconnaître, considérable, parce que la Maison de la Chimie, ça n'est pas donné. Et comme vous le savez très bien, Gérard Marin, Le carrefour de l'horloge ne perçoit pas de subventions ni du gouvernement, j'imagine. Ni des régions, ni des départements, ni des mairies. Figurez-vous que ça ne me surprend pas. Nous ne sommes pas une association culturelle, si vous voulez, et donc nous ne bénéficions pas des largesses de l'État. Et votre but, si j'ose dire, si j'ose ce mauvais jeu de mots, c'est d'essayer de remettre les pendules à l'heure. excellent. Mais maintenant, ça ne marche plus, parce qu'avec le carrefour, ça marche. Elles en ont bien besoin, parce qu'il y a une horloge au carrefour. Alors, l'esprit général de ces premières rencontres, samedi prochain, je le répète, 16 janvier, à la Maison de la Chimie, qui est une très très belle salle, très bien située, rue Saint-Dominique, on va préciser l'adresse exacte. Le thème général 28 rue Saint-Dominique. C'est penser autrement pour redresser la France. On reprend le terme, les axes essentiels de notre réflexion sur le terme patrie et liberté. Patrie et car liberté. Car nous croyons profondément à ces axes de pensée qui créent et qui fondent, qui ont toujours fondé les nations, qui leur ont donné vie. Et c'est lorsque ces deux idées ont disparu d'une ou l'une ou l'autre que les sociétés se sont désagrégées. Absolument. La France vit ça. On en fait le constat, hélas. Exactement. Donc, patrie et liberté, penser autrement pour redresser la France. Et alors donc, là, la rencontre se déroule en 3 séances de 2 heures chacune. Je pourrais les qualifier... Sous trois sous-titres, en quelque sorte, mais ne m'en voulez pas si jamais ça ne correspond pas tout à fait exactement. Je dirais que dans la première partie, la première séance, entre 10h15 et 12h15, avec Christian Van Est, Yvan Blot et Charles Beigbeder, c'est... Beigbeder, les principes, c'est-à-dire l'identité et la liberté. Et la deuxième séance, de 13h45 à 15h45, c'est la réalité. Le pouvoir. Alors, Christian Van Est, je vois exactement préciser comment défendre l'identité nationale. Yvan Blot, la démocratie directe, qui est l'expression véritable de la démocratie du peuple. Comment parvenir à la démocratie directe? Et Charles Beigbeder, liberté d'entreprise et enracinement. Le titre en lui-même veut bien dire ce qu'il veut dire. L'enracinement est lié à la liberté. La liberté d'entreprendre, c'est la façon pour un citoyen entreprenant de faire valoir ses capacités et d'entraîner les autres dans la valorisation de ses activités. La deuxième séance, de 13h45 à 15h45, est orientée, je l'appellerai, lutter contre un pouvoir qui est ennemi de son propre peuple. Un pouvoir qui est ennemi de son propre peuple. C'est bien ce que nous vivons actuellement. Personnellement, parfois, je le ressens. Ouais. Oui. Je me demande si, des fois... Moi qui suis français de souche, bien que né au Maroc, si vous voulez, d'un père militaire, je me demande... Vous aussi ? Moi aussi, cher président, mais vous le savez très bien. Donc, je me demande parfois si... Tous les deux français parlent juste sanguinis, le droit du sang. Je me demande parfois si cet état dans lequel je vis, que j'ai servi, de toutes mes forces d'ailleurs, si cet état n'est pas devenu quelque part mon ennemi. Au lieu d'être préféré par l'État, moi et tous mes autres concitoyens, aux autres, je ne suis plus maintenant, je suis dans un État, cet État n'a pas vis-à-vis de moi une certaine défiance. Mais c'est une sensation que beaucoup de Français ressentent. J'ai aucune prétention, je pense que les Français le ressentent. À commencer par ceux qui se sont battus avec tant de courage pour la France, beaucoup de militaires. Le marquis opine du chef. Et qui lui ont tout donné. Absolument. J'ai l'impression que nous sommes les ennemis des gens qui nous gouvernent. Alors, voilà. Merci. Donc la deuxième séance. Et réciproquement. La deuxième séance, 13h45 à 15h45. Donc Julien Rocher dit l'État contre le peuple, c'est ce que je vous disais. Exactement. François Billon de Lochner, la liberté d'expression. Ah. Pour dire à quel point. Où on en est aujourd'hui dans la liberté d'expression. C'est quand même effroyable de voir où on en est. Je pourrais citer des anecdotes, mais je ne vais pas le faire maintenant. Éric Branca, la comédie du pouvoir autour de la question de la souveraineté. Donc, deuxième thème, le pouvoir ennemi de son propre peuple. Et le carrefour va démontrer ce qu'il en est exactement aujourd'hui. Et puis la troisième séance, de 16h15 à 18h15, c'est la séance d'ouverture vers l'avenir, en fait. Les moyens d'action pour sortir de ce bourbier, je dirais. Donc, Christian Bulot, la France est-elle encore une puissance? Ça veut dire comment la France peut-elle redevenir une puissance? Jean-Yves Le Gallou, comment rétablir le pluralisme des médias? Alors ça, c'est capital. Vous savez, le combat magistral. Parce que l'information est évidemment l'arme majeure. Et nous sommes tous admiratifs devant le travail de Jean-Yves Le Gallou. Il fait un travail considérable. Ce travail de réinformation, ce travail d'analyse. Ah oui, il faut tirer son chapeau. Ce qu'il fait au quotidien, tous les jours, pour essayer de... Et pour, il y arrive d'ailleurs, pour faire comprendre aux Français à quel point ils sont menottés et englués dans un système médiatique qui les étouffe. Et chaque lundi, à l'émission de notre président, la deuxième partie consacrée à la réinformation, c'est toujours passionnant et vraiment, ça nous aide à voir les réalités en face, hein, parce qu'il s'efforce de démasquer. Je m'empresse... C'est fou, quoi. Je m'empresse d'ajouter à ce que vient de dire excellemment Pierre Milan, que pour rétablir le pluralisme des médias, chers auditeurs, il faut aider Radio Courtoisie à croître. Absolument. C'est une remarque qui va de soi, vous me direz. C'est indispensable. Là, je remets ma casquette parce que vous n'aviez pas précisé oui, que j'avais la casquette de président De Radio Courtoisie. Ou le bonnet, comment faut-il dire Tout le monde le sait. Non, mais lorsque je parle du Carrefour de l'Horloge, je ne suis plus président de Radio Courtoisie. Je suis patron d'émission, si vous voulez, mais pas président de Radio Courtoisie. Tandis que lorsque je dis qu'il faut soutenir Radio Courtoisie, évidemment, je reprends ma casquette antérieure. C'est une nécessité première. Et puisque le président Henri Lesquin vient de parler, j'aimerais que... Il ne faut pas oublier le thème qu'il va traiter, qui est capital. Pour la fin, c'est la conclusion, en quelque sorte, et c'est l'envol, en fait. Rassembler la droite... En fait, quand on regarde la situation politique aujourd'hui... C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Quand on voit que M. Estrosi, que M. comment il s'appelle Bertrand, doivent leur siège, leur prébende, leur voiture de fonction et leur secrétaire à la gauche, eux qui ont tellement défendu, qui se sont tellement, soi-disant, battus contre... Mais c'est à vomir, je vais vous dire franchement, c'est à vomir. Non, mais en leur âme et conscience, ils doivent être terrifiés. Ils n'ont pas d'âme ni de conscience. Et d'ailleurs... Exactement. Ils ont loupé le coche politique. Ils ont une âme, soyons chrétiens, mais ils n'ont pas de conscience. Voilà. Ils ont loupé le coche politique. S'ils avaient eu l'intelligence de se rassembler, de s'allier... de trouver un moyen d'agir avec les forces nationales vives qui montent aujourd'hui dans notre pays et qui ne t'arrêteront plus de monter, il faut le savoir. Alors, ils seraient au pouvoir aujourd'hui, mais sans aucun problème. Ils seraient peut-être pas à la région, mais ils seraient assurés de la pérennité du pouvoir. Ils ont commis une erreur politique, et ça me fait penser la même erreur politique qu'a commise dans les temps bibliques, qu'a commise Judas. Et j'aurais presque envie, si je faisais une plaisanterie, de dire aussi à nos chers auditeurs, de leur dire, écoutez, une chose assez amusante qui serait à faire, c'est tout simplement d'envoyer à ces messieurs un petit papier blanc, faites bien attention. En forme de chèque intitulé, ça serait par exemple Global and Cosmopolitan Bank Incorporated, si vous voulez, payé contre ce chèque à Monsieur Estrosi, la somme de 32 deniers. Voilà. Et ça serait... Alors, est-ce qu'on peut faire une conversion? Ça fait combien d'euros, 32 000 ça fait beaucoup. Depuis le temps, ça fait quand même pas mal. Ça fait beaucoup. Mais malgré tout, ça ne vaudra pas ce qu'ils doivent maintenant à la gauche et qu'ils vont payer tous les jours. Non, mais et je leur souhaite bien du plaisir. Écoutez, en un mot, ce sont des traîtres. Ils ont trahi leur engagement, ils ont trahi leurs électeurs et ils ont trahi la France. Ils vont vivre les conséquences de leurs actes et je leur souhaite bien du plaisir. Ils méritent un point Ganelon. Vous savez qu'on distribue des points Ganelon à ceux qui trahissent la patrie. Oui, absolument. Parce que là, on peut leur envoyer un... C'est une escroquerie morale. Un point Ganelon. Il n'y a pas d'autre mot. C'est extrêmement grave. Comment voulez-vous que les Français aient confiance dans la classe politique après de tels agissements, après de telles magouilles? Hein, après de tels arrangements, surtout les Français sont conscients maintenant d'une chose. C'est un scandale, quoi. Ils n'ont plus confiance, mais ils sont conscients. Ils sont conscients du fait que, en fait, la gauche fera toujours tout pour rester au pouvoir. Ah ben c'est sûr. Et que cette fausse droite qui se part des... La gamelle est bonne, hein, sûrement. Et que cette fausse droite fera toujours tout pour conserver ses places. Voilà. Point barre. Et à partir de là, eh bien, les Français en sont conscients. Et n'oubliez pas, il y aura bien sûr la présidentielle, mais il y aura les législatives. Et je m'arrête là. rappeler les questions pratiques, hein, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes donc, je vous donne rendez-vous, si vous pouvez être à Paris, évidemment, ceux des auditeurs qui sont en Californie ou en Nouvelle-Calédonie ont peut-être un peu de mal, mais si vous pouvez être à Paris samedi prochain, 16 janvier 2016, eh bien venez aux premières rencontres du Carrefour de l'Horloge, qui auront lieu à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e. Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e, de 10h à 18h. Et même ceux qui sont en banlieue, en province, proche ou lointaine. Moi, je suis à Versailles, donc je viendrai de Versailles. On peut venir. J'espère que tu viendras. Ouais, non, mais d'accord, mais je ne suis pas parisien. Alors, et permettez-moi d'ajouter qu'il y a un accueil café à 9h30, que l'entrée est libre. On peut s'inscrire sur Internet, c'est quand même le mieux, mais l'inscription est gratuite, de même que l'entrée est gratuite. Et donc, il y aura 3 tables rondes, comme l'a expliqué à l'instant Pierre Milan, qui vont nous occuper toute la journée avec des débats entre les orateurs et avec la salle. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, parce que j'entends de tous côtés des Français... des Français patriotes, des Français de bonne foi, qui finissent par être lassés, écœurés, dégoûtés, inquiets, et qui se disent, mais au fond, tous ces forums, tous ces colloques, tous ces séminaires, tous ces symposiums, toutes ces rencontres, toutes ces réunions où il y a des gens de qualité qui expriment des idées tout à fait intéressantes, mais tout cela débouche sur quoi, finalement ? Ce sont des parlottes, ce sont des paroles. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Alors moi, j'essaye de défendre. Hein, c'est comme les émissions de Radio Courtoisie. À quoi ça sert? Ça sert quand même à faire réfléchir les gens, hein, et à leur ouvrir les yeux. C'est ça, je crois. Parce que quand on voit des sujets aussi importants que comment défendre l'identité nationale par un homme de qualité... Et un patriote sincère comme Christian Van Est, quand on voit un Yvan Blot parler de la démocratie directe, hein, c'est un homme qui a des idées fortes à apporter. Henri de Lesquin qui va, si j'ose dire, plancher sur ce thème crucial qui est comment rassembler la droite. Moi, ça me semble tout de même intéressant de savoir ce qu'on peut faire. Mais évidemment, si on voit les objectifs à assumer, ce sont de véritables travaux d'Hercule. Je réponds au diable que vous incarnez aujourd'hui, à l'instant, cher Gérard Marin, que le pouvoir est au bout des idées. Il est parfois au bout du fusil, mais il est au bout des idées. Si la France va mal, si elle est en train de mourir, notre chère patrie, et s'il faut la sauver et la ranimer, c'est parce que les idées sont massivement investies par nos adversaires, par les ennemis de la France, par les ennemis de la patrie, par les ennemis de la liberté, par les ennemis de l'homme, qui sont cette oligarchie cosmopolite dont je parlais. C'est certain. Alors, le combat électoral lui-même n'est rien s'il n'est pas soutenu, s'il n'est pas préparé par le combat des idées. Alors, je voudrais quand même, pour ceux qui baissent les bras en disant « tout est perdu », leur dire qu'il faut, comprendre l'importance des idées. Alors, je vais prendre 2 exemples. Qui a créé l'expression, la formule préférence nationale qui a fait fleurir et qui est au centre de beaucoup de débats? À votre avis, Gérard Marin? Le savez-vous? Eh bien, c'est un gouvernement radical socialiste. Non, pas l'expression, la formule, non. Les faits, la loi. Non, parce que la préférence nationale est consubstantielle à la nation. Mais il a fallu trouver cette formule, préférence nationale. Alors, je ne sais pas. Eh bien, c'est Jean-Yves Le Gallou et moi-même, dans des travaux du Club de l'Horloge, qui a publié en 1985 la préférence nationale en réponse à l'immigration. Donc, il faut quand même savoir, et je suis content de vous l'apprendre, parce que vous qui savez tout, vous en iriez cela. Non, je ne sais pas tout, loin s'en faut. La préférence nationale, c'est une formule qui a été créée par le Club de l'Horloge. Je continue. Et qui a été popularisée par Jean-Marie Le Pen. Autre expression, par exemple. Votre concept, l'Europe des nations, vous allez me dire c'est De Gaulle. Pas du tout. De Gaulle n'a jamais dit Europe des nations. Il a dit Europe des États. Et il n'a jamais dit Europe des nations. La formule Europe des nations, c'est votre serviteur, Henri de Lesquin, qui l'a trouvé et qui en a convaincu Georges Bertu, vice-président du Club de l'Horloge, lequel l'a proposé à Philippe de Villiers pour sa première campagne pour les élections européennes avec Jimmy Goldsmith. C'était en 1994, je ne sais plus. Et c'est De là que vient l'expression Europe des nations. Mais je pourrais citer d'autres formules qui ne sont pas seulement des formules, qui sont des idées, des concepts. Et ça aide beaucoup, ces formules. Qui choque, c'est la réinformation, alors la réémigration, la même chose. Ça, oui. Vient, alors, certains l'ont rebaptisé remigration, mais la réémigration, c'est dans le cadre de Voix des Français, association sœur ou filiale du Carrefour de l'Horloge, plutôt, que cela a été lancé. Donc je soutiens, pour ma part, que. Non pas la totalité sans doute, mais la majorité des principaux débats de la vie politique, dans la mesure où ils sont de droite, qu'ils vont dans ce sens, viennent des travaux du Club de l'Horloge. Du Club de l'Horloge. Voilà. Alors, deuxième remarque, le débat sur la déchéance de nationalité. C'est essentiel. C'est une victoire idéologique bien considérable. Sûr. Alors, bien entendu, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est un débat, la mesure en elle-même est purement symbolique. Car il est évident qu'un terroriste ne va pas être dissuadé de faire de la terreur parce qu'on le menacera de lui ôter la nationalité française. D'autant qu'il la conteste. Bon, mais c'est philosophiquement, métapolitiquement essentiel. Et d'ailleurs, on voit très bien, parce que les gens qui dominent le monde des idées jusqu'à présent, l'oligarchie cosmopolite, a très bien réagi contre cette mesure. Parce que cette mesure, alors c'est quand même paradoxal, ce sont des gens qui, en eux-mêmes, par principe, par essence, considèrent que la nationalité n'a aucune importance, et qui se battent contre la déchéance de nationalité. Ça devrait être pour eux sans importance. Ils sont scandalisés par l'idée qu'on montre puisse bien, déchoir. De... Mais Gérard Marin, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ça montre bien l'insincérité, voilà. Le vice mais consubstantiel à ces gens-là. J'en suis convaincu. Et pourquoi c'est important? Parce que, d'abord, ça veut dire que la nationalité, c'est quelque chose d'important. Ouais. Déjà, affirmer ça, c'est essentiel. Dire que la binationalité... c'est un souci, et qu'on peut l'ôter à des gens, c'est important. Et excusez-moi, mais c'est ce qu'on appelle en manipulation psychologique le pied dans la porte. Parce que le jour où les Français se sont dit, après tout, pourquoi si on ôte la nationalité française à des terroristes, bon, pourquoi ne pas continuer? Au passage, pour insister sur l'indignité des adversaires de la mesure, comment peut-on, chers auditeurs de Radio Courtoisie, oser protester contre le fait d'ôter la nationalité française à un terroriste. Oui, exactement. Il faut être tombé sur la tête, on est encore dans la version des valeurs. Ces types sont malades. Mais vous avez cette maladie mentale que représente le cosmopolitisme, elle est tellement forte que les gens ne voient pas l'évidence. Bon, déjà, quand on entend parler de terroristes français, c'est... la moindre des choses, c'est de lui ôter la nationalité française. Quand on est normal, quand on a l'esprit sain... quelles sont les premières personnes qui, dans le domaine des idées politiques, ont dit « il faut... » faire de la déchéance de la société française contre ceux qui sont... C'est Jean-Yves Le Gallou. C'est le Club de l'Horloge. Là encore. Bah on devrait le décorer, hein, Jean-Yves Donc, Le Gallou. et puis en général, les gens du Club de l'Horloge, comme Pierre Milan et les autres. Oui. Et je trouve que... nous ne réclamons pas... Les idées circulent librement, donc nous n'avons pas réclamé un droit d'auteur, à François Hollande. Non, mais vous voyez quand même... pourquoi pas. À quel point... souvenez-vous... Gérard Marin, en 2010, discours de Grenoble. Là, le président de l'époque s'appelle Nicolas Sarkozy. Et Patrick Buisson lui a que fait... Que vous son... aimez beaucoup, Henri. C'est une catastrophe. mais vous allez voir c'est... Alors, Patrick Buisson lui fait son discours, et à Grenoble, il déclare « Il faut déchoir de la nationalité française les meurtriers de policiers. » Là encore, comment protester contre une évidence pareille? Eh bien... protestation, tollé de la gauche cosmopolite, y compris dans les rangs de la fausse droite qui est une vraie gauche, l'UMP, ou une grande partie de l'UMP, les Kosciusko et consorts, et du coup, Sarkozy recule. Et donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, François Hollande va faire ce que Sarkozy n'a pas osé faire. C'est un comble. C'est un comble, non, on sait bien que c'est ça, bon. mais je veux dire, ouvrez les yeux. Je répète, François Hollande, sur la déchéance de nationalité, va faire ce que Nicolas Sarkozy n'a pas osé faire. C'est quand même énorme. Bon. Et alors, c'est très intéressant. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la politologie, on appelle ça la triangulation. Alors, c'est un terme qui fait fleurir maintenant. En fait, la triangulation, c'était un terme, c'est un terme de géodésie, hein, mais bon, de trigonométrie, qui était employé en politique pour la première fois, paraît-il, par le conseiller du président Clinton. Et c'est ce que nous appelions autrefois au club de l'horloge, au carrefour de l'horloge, la stratégie diagonale. Ben, ça peut marcher. Ça consiste à piquer les idées de l'adversaire pour lui couper l'herbe sous le pied. Vous voyez. Et donc là, alors le risque, c'est qu'on perde ses propres partisans. Donc c'est un jeu dangereux. C'est ce que fait François Hollande. Mmh. Et là, ce n'est pas à l'UMP ou au LR qu'il prend les idées, mais il prend directement les idées du Front National. C'est net. Car c'est le Front National qui, après le club de l'horloge, bien après, avait proposé... Finalement, c'est un rusé, ce Hollande. Alors, c'est un politicien. Il fait un jeu relativement dangereux parce qu'il risque quand même d'avoir des dissidents dans son camp. Donc, c'est ça la difficulté. Il sait qu'il y a beaucoup de Français qui l'approuvent dans cette affaire de déchéance de la nationalité. 90%, mais bon, attendez, alors. Nous avons pour nous 9 Français sur 10. Ça n'est pas comme le rêvait Giscard dans l'ancien temps, 2 Français sur 3. C'était son bouquin, quand il était président de la République. Enfin, le livre qu'il avait signé, il ne l'avait pas fait, bien entendu. Aujourd'hui, sur cette affaire de déchéance de nationalité, 9 Français sur 10. Ceux qui pensent que c'est perdu, ben non, vous voyez. Ah oui. Le combat des idées, ça peut marcher. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui n'ont jamais compris qu'on puisse avoir 2 nationalités. En tout mais cas, attendez, pour les extra-européens. Ce que je veux dire, c'est que le fait que ce soit un président socialiste qui en triangulant, soit finalement sur nos idées à nous, c'est quand même une victoire morale. Absolument. Alors, espérons que ce n'est qu'un début. Et donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous invite donc à venir le samedi 16 janvier, samedi prochain, de 10h à 18h, accueil café à 9h30 à la Maison de la Chimie, avec le thème général « Patrie et liberté ». Penser autrement pour redresser la France, et j'ajouterai comme commentaire, le combat continue. Hein. Oui, absolument. Alors j'ai parlé il y a un instant, j'ai dit, mais enfin les objectifs visés sont de véritables travaux d'Hercule, parce que c'est vrai. Hein. Oui. Défendre l'identité nationale, rassembler la droite, parvenir à la démocratie directe, assurer le pluralisme des médias, ce sont des travaux d'Hercule, et on peut se dire, mais Hercule aujourd'hui, où est-il? Qui est-il? Il est au cachot. Voilà, je crois. Alors, est-ce que c'est Charles Becbédé, François Billot de Lochner, Yvan Blot, Éric Branca, je ne sais pas. Ou alors, Henri de Lesquien. Cher Henri, je voudrais que vous disiez un mot quand même. Sur quoi? De comment rassembler la droite, parce que ça, c'est quand même l'objectif numéro un. Pour obtenir la suite. Non, mais sans je ne vais pas déflorer le sujet que je vais traiter. sans déflorer votre que je vais intervention traiter dans 2 jours. En quelques mots. Vous croyez possible aujourd'hui qu'on puisse rassembler la droite? Alors écoutez, vous avez peut-être noté l'évolution du vocabulaire. Autrefois, nous disions union de la droite. Mais union de la droite, ça fait penser à un accord d'appareil. Alors pour l'instant, l'accord d'appareil n'est pas possible. Donc c'est très simple, en fait, dans son principe. C'est le terme qu'employait Jean Ferré, je crois. Il disait union, l'union des droites, moi je disais... Jean Ferré disait union des droites, moi je disais union de la droite. Oui. Je préfère insister sur l'unité de la droite en disant... Il faut peut-être s'identifier, hein, Michel. Oui, nous sommes sûrement à Radio Courtoisie. Surtout qu'il y a le président qui est... Vous écoutez Radio Courtoisie. Et puis nous écoutons Gérard Marin. Alors oui, alors donc le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin. Assisté de la charmante Michel. Il avec Franck bien, à la technique et comme invité principaux pour l'heure, pour l'instant. Alors, Henri de Lesquin, président de Radio Courtoisie. Et du Carrefour de l'Horloge, en l'occurrence. Du Carrefour de l'Horloge. Voilà, Pierre Milan, responsable et éditorialiste. La Voix des Français, secrétaire général du Carrefour de l'Horloge. Et Jean-Paul Sirigaise de l'Olmeta. Voilà. Dit le marquis, enfin, monsieur le marquis Sirigaise de l'Olmeta. Et donc, le thème de cette émission, les conditions sine qua non du redressement de la France. Voilà. J'ai résumé, pour moi, sont les conditions. Le marquis surnommé le chouchou de Radio Courtoisie. Le chouchou des auditeurs. Je ne regrette pas d'être venu. Non, mais les auditeurs vous adorent. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis un des auditeurs qui vous adore. Oui, alors, lisez quelques-uns des messages parvenus. On n'a pas rappelé le livre du marquis avec tout ça, hein, mon livre journal. Parler, vous l'avez dit au début, pardon. C'est prévu après encore. Alors, message d'un auditeur. Nous sommes minoritaires face aux immigrés qui arrivent d'Afrique et d'ailleurs. Que faire pour rétablir une situation d'équilibre en matière communautaire? Ne va-t-on pas vers des émeutes à l'image de celles qui ont eu lieu en Allemagne? Un auditeur, pensez-vous que les millions de migrants arrivés en Allemagne vont venir en France suite aux réactions violentes justifiées des Allemands? Un auditeur, toutes les semaines, on agresse des gens qui portent une croix et on n'en dit rien dans les médias, c'est scandaleux, discriminatoire et politiquement correct. Vous voulez dire qu'il vaut mieux porter une kippa qu'une croix? Ils peuvent plus maintenant. un auditeur, en tant que fils de paysan, je conteste ce que vous avez dit, mais c'est « chacun son métier, les vaches sont bien gardées ». Non, en fait, le vrai terme, je crois, c'est « chacun dans son pré et les vaches seront bien gardées ». Bon, bah alors, moi j'avais dit « chacun chez soi et les vaches seront bien gardées ». C'est « chacun dans son pré ». Bon. Exactement. Voilà, alors maintenant on a des messages. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sur le concernant l'huile et le vinaigre. Un auditeur, vous avez tout faux, car l'huile et le vinaigre peuvent être une excellente vinaigrette. Et c'est pas moi qui ai tout faux, c'est le général. Et une auditrice, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, dites-vous, pas d'amalgame. Un auditeur, il est comique d'entendre les nostalgiques de l'Algérie française qui niaient l'identité des musulmans algériens en disant qu'ils n'avaient ni histoire ni identité. Défendre maintenant le principe identitaire, c'est l'identité à plusieurs vitesses. Ah, où sont les nostalgiques de l'Algérie française? En tout cas, ce n'est pas mon cas. J'ai expliqué bien des fois à ce micro quelle avait été ma position en ce qui concerne l'Algérie, à tort ou à raison. Hein. J'ai dit que je n'avais jamais cru à l'Algérie française, mais que j'ai condamné la façon honteuse dont le général de Gaulle a bradé l'Algérie. Ce n'est pas du tout la même chose. Je pensais qu'on pouvait arriver à l'indépendance d'une Algérie en accord avec les Français, sans mettre les pieds noirs à la porte, avec d'autres personnes que les égorgeurs du FLN. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas un nostalgique de l'Algérie française. Voilà. Point final. Alors, un auditeur, l'état de droit. Le mot « droit » a plusieurs sens. Pour vous, quelle est la définition « D » majuscule, « S » à la fin, « aller droit devant soi »,« nous avons le droit de ceci, de cela », etc. Une auditrice, la Suède et plus particulièrement sa ministre des Affaires étrangères sont atteintes du syndrome de Stockholm. Ah, c'est pas bête, c'est très drôle. Alors, ça. Donc, un auditeur pour le carrefour de l'horloge. Est-ce que le lieu est accessible au fauteuil roulant? Et pour les véhicules, y a-t-il un garage, un parc? Ça, c'est important, voilà. Cette question, bien sûr. Un parking à proximité. Il y a plusieurs parkings à proximité, notamment aux Invalides. Et il y a un grand parking aux Invalides et la maison de la chimie ne se trouve pas très loin, si vous voulez. Alors, en revanche, je ne sais pas, mais je pense que la maison de la chimie est une organisation qui est habituée à ce genre de manifestation. Il doit certainement y avoir un accès. Oui, oui, non, alors je vous rassure, il y a un accès pour les infirmes et les fauteuils roulants. Donc, parking aux Invalides. Et alors, comme c'est tout près des Invalides, il y a effectivement un grand parc de stationnement sous les Invalides, aucune difficulté pour garer sa voiture, c'est vraiment à 2 minutes à pied, enfin disons 3-4 minutes, et c'est tout près, je conseille quand même le métro, c'est encore beaucoup plus pratique, et donc le métro, c'est le métro Invalide qui est tout près, et on peut si on veut, le métro Invalide c'est ligne 8 et 13, et le RERC pour ceux qui sont dans l'ouest de Paris, à Versailles par exemple, ou même à l'est de Paris, puisque c'est au 28, le 28 rue Saint-Dominique, pas le 28 bis. C'est de l'autre côté du grand parterre des Invalides. Quand on regarde vers le nord, c'est à droite. Je suis allé aux obsèques de François de Sainte-Marie, à la basilique Sainte-Clotilde, et j'ai vu que la rue Saint-Dominique est en. Quand on fait face aux Invalides, oui. C'est à gauche. Quand on tourne le dos à la Seine et qu'on est dans les Invalides, c'est pas l'autre côté. C'est à gauche. D'accord. C'est du côté de l'Assemblée nationale. Hein, c'est entre le métro Invalide et le métro. C'est parallèle à celle où se trouve l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que le plus simple, c'est le métro qui est tout à côté. Le métro Invalide, le métro Assemblée nationale est un peu plus loin, ligne 12, mais pas tellement plus loin. Voilà, c'est vraiment très, très pratique. Il y a seul Ferrino aussi qui n'est pas très pratique. Non, ça n'a pas d'intérêt, ils ont la même ligne. C'est invalide. Alors, encore deux messages, un courriel d'un auditeur. Je suggère que les interventions de la journée du Carrefour de l'Horloge, samedi 16 janvier prochain, soient enregistrées et diffusées sur notre chère radio. Ce serait très utile. Alors, je réponds. Alors là, je réponds avec la double casquette, en quelque sorte. Non, Radio Courtoisie. Ne fais pas cela, Radio Courtoisie édite, produit et réalise toutes ses émissions. Nous n'avons aucune intention, quelle que soit la communauté de présidence entre les deux entités, non, il n'en est pas question. En revanche, il y aura une vidéo qui présentera sur Internet des extraits. Non pas la totalité, bien entendu, mais de quelques extraits, quelques bonnes feuilles en quelque sorte. Ça, c'est très bien. Une très bonne initiative. Mais ça ne remplace pas, évidemment, la participation. Bien entendu. Samedi prochain, Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7e. aux premières rencontres du Carrefour de l'Horloge sur le thème « Patrie et liberté, penser autrement pour redresser la France ». Alors, cher Henri, tu ne peux pas nous dire quelques mots de ton intervention? Alors, comment si vous voulez, la droite, est-ce que c'est possible? Oui, bien, ça se fera tôt ou tard, mais alors, je dirais qu'il y a, à mon avis, trois... Trois étapes. La première étape, c'est de se débarrasser de l'illusion que le clivage droite-gauche est dépassé. Il s'est métamorphosé, mais il n'est pas dépassé. Tout à fait. Alors, d'accord. Pour cela, il faut... Alors, ça, si vous me donnez l'explication, un peu de temps pour l'expliquer, mais c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est que le clivage droite-gauche? Bon. Et quand est-il apparu? Il est apparu, non pas en 1789, quand on l'a dénommé, lorsque les députés qui étaient pour le veto sont allés à droite et les autres à gauche. Il est apparu dans cette période 1680-1715, donc la fin du règne de Louis XIV, dans cette époque que Paul Hazard, dans un grand livre, appelle la crise de la conscience européenne, et qu'il date donc précisément de ces années 1680-1715. Et c'est un livre impressionnant, parce qu'on voit très bien, d'ailleurs... Il résume la situation en disant « En 1680, les Français pensaient comme Bossuet, et en 1715, ils pensaient comme Voltaire. » Deux grands hommes, chacun dans son genre, mais pas le même genre. Pas le même genre. Et donc c'est depuis ce moment-là qu'il y a une gauche qui, depuis ce moment-là aussi, domine le monde des idées. Et c'est cela, contre cela qu'il faut se battre. Et qu'il faut se battre avec intelligence stratégique, ce qui n'a malheureusement pas été le cas de la droite. Alors, la gauche existe, elle a son homogénéité. Car la gauche, nous l'avons expliqué dans de nombreux travaux du Club de l'Horloge, aujourd'hui du Carrefour de l'Horloge, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Utopie égalitaire qui roule d'âge en âge. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette période 1780-1715? C'est que la gauche a pris le pouvoir, alors qu'auparavant, la gauche existait. Mais afin de l'exister, l'utopie égalitaire avait son expression, mais c'était marginal. Les anabaptistes de Münzer, c'était marginal. Oui, bien sûr. Les quelques pruries de d'utopie égalitaire qui étaient écrasées dans le sang à l'époque, on ne rigolait pas. Et donc la gauche était marginale. Les Armagnacs et les Bourguignons, ça n'était pas la gauche contre la droite. Non. C'était autre chose. Donc c'est complètement anachronique, avant cette période-là, 1680-1715, de parler de clivage gauche-droite. Depuis cette époque, sur le plan des idées et ensuite sur le plan politique, on a ce clivage gauche-droite. Mais la droite, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui s'oppose à la gauche. D'une certaine manière, c'est tout ce qui pense normalement et diversement face à une gauche qui est une maladie mentale. Car l'utopie égalitaire, comme son nom l'indique, c'est une maladie mentale. Absolument. Alors, le clivage droite-gauche, autrement dit, ne disparaîtra que lorsque la gauche sera... marginalisée comme elle aurait dû le rester. Elle ne disparaîtra pas complètement, mais le jour où elle ne représentera que peu de choses, peut-être que c'est déjà le cas en Pologne. Attention, peut-être que la Pologne est le pays qui nous montre la voie. Parce qu'en Pologne, en gros, l'alternance se fait entre l'équivalent du Front National et l'équivalent du MP. Vous voyez, j'espère qu'un jour nous arriverons, enfin l'équivalent de la droite de l'UMP, j'espère qu'un jour nous arriverons à cette situation. La vraie droite a le sens des réalités alors que la gauche vit dans l'utopie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la droite est diverse, elle n'a pas d'essence de droite. La droite, c'est tout ce qui n'est pas la gauche, elle est sur une utopie égalitaire. Absolument. J'en reviens à la gauche. Et là, on le voit bien philosophiquement, historiquement, deux pôles très différents, le pôle collectiviste et le pôle cosmopolite. Le pôle collectiviste, il aboutit au communisme, l'État tout-puissant. Mais il est étatiste. Et il peut se marier assez bien avec le nationalisme, ça donne le fascisme, le socialisme national. National-socialiste. Et jusqu'à une date récente, la gauche était dominée par les idées collectivistes, d'abord évidemment par le communisme lui-même. Alors évidemment, ce que cette gauche collectiviste a créé dans la société, ça demeure par hystérésis. Les institutions qui ont été créées, la sécurité sociale et tout le reste, ça demeure. Donc nous sommes un pays qui reste très collectiviste. Mais dans le domaine des idées, le collectivisme a perdu la partie à peu près en même temps que l'URSS s'effondrait. Mais il y a eu un phénomène de compensation. La gauche est passée d'un pôle à l'autre. Elle est passée du pôle collectiviste au pôle cosmopolite. Et qu'est-ce que c'est que le cosmopolitisme? C'est une philosophie qui a été inventée il y a 2350 ans. Par un certain Diogène le Cynique, qu'on présente de manière romantique, comme quelqu'un, etc. C'était une saloperie, ce Diogène le Cynique. Une saloperie. Mais une ordure. Qui vivait comme une ordure, qui rejetait les lois de la cité, mais les lois morales aussi. Car le plus important, c'est que le cosmopolitisme c'est le rejet non pas seulement des frontières physiques, mais aussi des frontières morales. Le rejet des frontières physiques, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ouverture à l'immigration, Mme Merkel a donné l'exemple récemment, ouverture totale à l'immigration, libre-échangisme, ouverture aux marchandises étrangères, d'où qu'elles viennent, et quelles que soient les conditions de concurrence. Au détriment de son peuple. Voilà. C'est ça, et c'est aussi, c'est le mondialisme en fait, avec la supranationalité et la perspective de l'État mondial. Et le relativisme. Et non, alors ça c'est la deuxième partie, c'est le deuxième aspect. Tout se vaut. Ça c'est les frontières morales. Oui, c'est ça. Et ce que les gens ne comprennent pas, ceux qui mènent un combat valeureux dans différents domaines, ne comprennent pas que ces différents combats sont des batailles d'une même guerre qu'il faut mener contre le cosmopolitisme. Quels sont ces différents combats? Par exemple, le combat contre le mariage homosexuel, le combat contre la théorie du genre, la lutte contre... la lutte contre le laxisme judiciaire, le combat contre ce prétendu art contemporain, qui est en fait un honneur dégénéré. C'est un combat dans toutes les hypothèses. Comme disait Marie-Josée de Bravoura, le non-art officiel abstrait. Ouais, c'est un combat contre différentes manifestations ou aspects de ce cosmopolitisme qui est aujourd'hui l'idéologie dominante mondiale. Tout à l'heure, je parlais de la lutte des classes entre tous les peuples d'un côté et la superclasse mondiale de l'autre. La superclasse mondiale a imposé cette idéologie dominante qui est le cosmopolitisme. Donc le clivage droite d'autre, aujourd'hui, il existe toujours, simplement, il est, au lieu d'être polarisé, d'être axé plutôt sur l'opposition collectiviste-libéralisme, qui n'a pas disparu, il est axé principalement sur l'opposition identité cosmopolitisme. Oui, il a changé un nation, peu de nature, mais il est aussi grave voilà. Et aussi... Et alors, vous me demandiez quoi? Alors, donc ça, c'est la première étape. Comprendre que le clivage droite-gauche existe toujours, mais qu'il a simplement changé de visage et qu'il s'est métamorphosé. Non, je demandais, est-ce qu'on pourra finalement arriver alors, au rassemblement... Deuxièmement, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend des dirigeants du Front National, et en particulier, non pas du funeste Philippot, mais de, mais de Marine Le Pen, président du Front National, qui doit comprendre que la stratégie dite du non préconisée par funeste Philippot est une hérésie, une aberration, et qu'il faut opter pour la stratégie du rassemblement de la droite. Voilà. Philippot explique, ça a été théorisé par un de ses amis qui s'appelle Thomas Guénolé, qui est un homme de gauche, qu'il faut faire la stratégie de rassemblement du non. C'est-à-dire tous ceux qui ont voté non, ou qui auraient voté non s'ils étaient trop jeunes, au référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne, c'est ceux-là qui peuvent se réunir pour soutenir le Front National. Alors, c'est une erreur complète. C'est une erreur, mais je dirais débile, d'analyse politique. Les gens qui ont voté non pour de différentes manières, pour différentes raisons, et les voix de gauche, des électeurs de gauche qui sont partis sur le non, ne sont pas du tout disposés à voter pour un candidat qui serait voté avec eux. Voilà. La stratégie, c'est celle du rassemblement de la droite, qui a d'ailleurs été théorisé excellemment par une phrase citée sans nom d'auteur, mais on peut le reconnaître, de Patrick Buisson, lorsqu'il conseillait Sarkozy en 2011, qui a dit, voilà, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le triangle constitué par ceux qui hésitent entre le vote UMP, Sarkozy, le vote Front National, Marine Le Pen, et l'abstention. C'est là que ça se situe. Bon. C'est exactement ça, c'est le rassemblement de la droite. Si Marine Le Pen comprend, indépendamment de ses convictions personnelles, qui ne sont pas forcément excellentes, mais elle doit comprendre quels sont ses intérêts et ceux de la nation, qu'elle doit, pour réussir, rassembler la droite, et non pas rassembler le non, qui est une utopie absurde, un grand progrès sera accompli vers la voie du salut de la France. J'ajoute que, d'un point de vue strictement terre-à-terre, elle devrait comprendre, les exemples sont trop nombreux, que lorsque le Front National est au second tour d'une élection à deux tours face à l'UMP ou à LR, il n'a presque aucune chance de gagner. Quand il est au second tour face à un candidat du PS, il a une chance de gagner. À condition que les reports soient bons. Donc toute la stratégie du Front National, ça doit être... Je rappelle que les élections à deux tours, c'est quand même les départementales, les régionales... Les présidentielles et la présidentielle, les législatives. Et les législatives. Bon. Pour toutes ces élections, la stratégie du Front National, ça doit être, premièrement, lorsqu'il n'y a que deux candidats au deuxième tour, ce qui est souvent le cas, et notamment forcément pour la présidentielle, de pomper les voix de l'UMP pour qu'il soit au second tour contre le PS et non pas contre l'UMP, alors que s'il pompait les voix du PS, eh bien, ça serait l'inverse, et il serait dans une situation, il ferait une politique de gribouille. Et deuxièmement, avoir un visage suffisamment avenant pour les électeurs de l'UMP ou de la droite de l'UMP qui peuvent hésiter au premier tour et qui peuvent se rallier sur le candidat du Front National au second, pour qu'ils se rallient. Ce qui a été un échec calamiteux à cause du funeste Philippot aux élections de mars, aux élections départementales de mars. Aux élections régionales, c'est un peu différent parce que la stratégie était meilleure. C'est le front prétendu républicain qui est en fait un front cosmopolite qui a abouti à cet échec du Front National. Moi aussi, mon cher Henri, je pense que les Républicains finiront par éclater. Alors, c'est la troisième étape, c'est ce que je voulais dire. Vous me demandiez, la troisième étape, c'est ça. Parce que le rassemblement de la droite, c'est un rassemblement à la base, un rassemblement des électeurs de droite. Mais pour ce qui est des partis, il faut espérer soit que le Front National finisse par s'unir avec l'UMP, ce qui tel qu'est l'UMP est impossible, soit plutôt que l'UMP finisse par éclater, mais ça ne se produira que si l'UMP est au premier tour largement distancé par le Front National, et que l'UMP éclatant, il y ait un parti vraiment de droite, et il y a des gens qui sont... Quand on voit l'UMP, je veux dire, un Wauquiez, même à Le Maire... Non, pas Le Maire, mais en revanche, oui. Wauquiez, oui. Wauquiez. Qui a fait une campagne de droite. Nadine Morado. Wauquiez. Guénaud. Non, c'est un sauteur. Le cochon. le cochon vous tourne le dos, mais n'oubliez pas que vous êtes à Radio Courtoisie, cher. D'accord. Donc, il y a Nadine Morano, Thierry Mariani, Wauquiez, et plusieurs autres. Et d'autre côté, un Raffarin ou une Hervé Mariton, il y a une vraie composante vraiment de droite à l'UMP, aux Républicains. Exactement, voilà. Il faut simplement qu'elle soit assez forte pour qu'un jour, il y ait reclassement. Et sans doute éclatement. Mais moi, je crois que ça arrive. Voilà les trois étapes. Voilà les trois hypothèses. Puis je me permettre de faire une plaisanterie après ces propos excellents de notre président et très riche et très profond. J'ai noté qu'il l'appelait M. Philippot, systématiquement, il lui a collé le funeste. Alors, pour nos auditeurs qui sont admirateurs de Greg, je dirais simplement... Le funeste Philippot est-il le talon d'Achille de Marine Le Pen? C'est excellent. Il faut dire que c'est exactement ça. Le funeste Philippot est le talon d'Achille de Marine Le Pen. Merci, cher Henri de Lesquin. Mais j'invite, bien entendu, le plus grand nombre possible d'auditeurs de Radio Courtoisie à se rendre samedi prochain, 16 janvier, De 10h à 18h, 28 rue Saint-Dominique, aux rencontres du Carrefour de l'Horloge. Ça va être une journée extrêmement intéressante, extrêmement utile. Et je pense que pour ce combat des idées, qui est incontestablement l'objectif premier pour redresser la France, pour changer les choses, c'est de s'armer, justement, des idées qui font défaut à beaucoup. Donc, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à se rendre très, très nombreux à la Maison de la Chimie, samedi prochain, au Carrefour de l'Horloge, 28 rue Saint-Dominique. Comme l'a dit notre président, le pouvoir est au bout des idées. 7e. Voilà. Donc, à ce propos, j'ai une question, deux questions d'une auditrice. Le rassemblement De droite. Oui. Oui, alors le rassemblement des droites est une vaste utopie. Il suffit de voir ce qui se passe au FN. Non, c'est pas ça. Deuxièmement, les personnes qui viendront donc samedi auront-elles le droit d'intervenir dans les débats? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y aura trois séances avec trois orateurs qui interviendront un quart d'heure ou un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, il restera largement du temps pour les intervenants, pour intervenir depuis la salle. Je demanderais simplement aux gens de ne pas faire un discours, de poser une question courte en 30 secondes, voilà, et qu'ils réfléchissent bien à une question et qu'ils la posent en 30 secondes, une minute maximum. Voire d'exprimer des idées, si elles sont bonnes et efficaces. Non, mais bien sûr, mais bien pour provoquer le débat. Pas faire une conférence quand on pose une question. Non. Voilà, c'est ça simplement ce que je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie qui viendront, qu'ils posent des questions, bien sûr, ils auront la main, ils auront le micro, mais il faudra qu'ils interviennent rapidement, de manière donc concise, pour provoquer le débat et pour que les trois orateurs qui seront à la séance, qui seront à la tribune avec moi, puissent répondre. Alors, il me reste à remercier Henri Desquin, président de Radio Courtoisie. Et président du Carrefour de l'Horloge pour ces interventions tout à fait passionnantes et enrichissantes, ainsi que Pierre Milan qui fait également un travail considérable. Secrétaire général. Secrétaire général du Carrefour de l'Horloge. Donc, alors, on rappelle une dernière fois que le pouvoir est au bout des idées. Voilà. Et pensée, parole, action, c'est la devise du Carrefour de l'Horloge. Pensée, parole, action. Oui. C'est une formule de la tradition indo-européenne. Et il faut dire que le Carrefour de l'Horloge, on en a donné quelques exemples, est à l'origine de formules choc qui, quand même, contribuent beaucoup à faire évoluer les choses. C'est incontestable, parce que ne serait-ce que les mots de préférence nationale et autres. À propos de préférence nationale, non, j'évoquais simplement ce gouvernement radical socialiste de 1932 qui a été le premier à appliquer, dans une certaine mesure, une politique de préférence nationale pour défendre les ouvriers français par rapport à de nouveaux arrivants. Voilà. Vous verrez, Gérard Marin, si vous lisez le livre de Pierre Millot, qui est aussi un membre du Club de l'Horloge, sur le cosmopolitisme, qui s'appelle « Le cosmopolitisme, voilà l'ennemi », et vous verrez que la préférence nationale fait partie, de manière constitutive et indissoluble du concept de nation. Hein. Simplement, la loi dont vous parlez, la loi 1932, qu'on appelle parfois la loi Saint-Lagro, est une loi qui demandait au gouvernement de l'époque de fixer des quotas d'immigrés par branche du commerce et de l'industrie, et d'expulser les immigrés qui dépassaient ce quota. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est comme ça que le chômage a été éliminé. Voilà. En 1932. Merci Gérard Marais de votre accueil. Merci encore à Henri de Lesquin et merci à Pierre Millan, parce que je crois que c'était une émission extrêmement intéressante. Et encore une fois, rendez-vous samedi prochain, 16 janvier, au 28 rue Saint-Dominique, à la Maison de la Chimie, pour la rencontre du Carrefour de l'Horloge. À samedi. Merci à vous. Merci au revoir. Beaucoup. Allô ? Oui. Je n'ai pas pu le lire. Allô ? Allô, Georges Clément ? Oui, bonjour. Gérard. Bonjour, Georges. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Moi, je vous entends bien, absolument. Bien. Alors, comme je l'ai annoncé au début de ce libre journal de la Résistance française, j'aurais aimé avoir les commentaires, les réflexions du secrétaire général du comité Les Pentes, qui se bat, je le dis, depuis de très longues années pour la défense de la France française et de l'Europe européenne, les réactions du comité Les Pentes à la fois à l'opération porte ouverte dans certaines mosquées, qui me semble, moi, un enfumage de premier choix, et aussi aux méfaits commis par un certain nombre de migrants en Allemagne, des méfaits qui ne se sont pas, je l'ai dit, limités aux viols, aux agressions sexuelles de nombreuses femmes à Cologne, car vous m'aviez dit hors micro qu'il y avait eu d'autres actes tout à fait répréhensibles commis par ces immigrés clandestins en Allemagne. Voilà, donc nous vous écoutons. Alors d'abord, l'histoire de l'opération Porte Ouverte, grande opération de séduction de certaines mosquées. Oui, écoutez, on va vite passer là-dessus parce qu'elle a eu une si faible audience que je pense qu'ils auraient mieux fait de ne pas en parler. Mais enfin, elle a eu lieu. Elle a été concomitante avec la célébration, ou plutôt avec l'anniversaire des attentats concernant Charlie Hebdo l'an dernier. Ce qui d'ailleurs était vraiment quelque chose d'assez ignoble de la part du gouvernement, non pas à la limite d'aller voir, s'il le voulait, à titre personnel, les représentants du culte musulman, mais de lier spécifiquement la visite aux mosquées avec la commémoration des attentats. Car ces attentats ont bien été des attentats au nom de l'islam. Oui. Ça a été dit, bien sûr, par ceux qui les ont commis, mais en même temps, ça a été revendiqué également par les organisations islamistes mondiales, depuis l'État islamique, que je n'appellerai jamais Daesh. Hein. Je remarque. Non, c'est important. Vous avez raison, Georges. Et même Al-Qaïda, etc. Donc, ce comportement du gouvernement d'aller faire allégeance au sens strict du terme auprès de ceux qui sont le creuset, la source Et dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de mosquées en France, et en particulier je pense à celle de Brest qui a fait parler d'elle il n'y a pas longtemps, mais il y en a d'autres qui sont en même temps le refuge et le lieu d'éducation de ces terroristes. Ce geste, voulant le lier à la mort de ceux qui sont tombés sous des balles au nom de l'islam, est un geste scandaleux, proprement scandaleux. Bien. Mais ce qui est le plus terrible en Europe en ce moment, c'est le clivage tous les jours plus grand entre les dirigeants, je parle des gouvernements, et les peuples. Non, je voulais en finir une seconde, Georges, oui, si vous le permettez, avec cette histoire des mosquées. Oui. Je voulais dire que les musulmans sont dans leur rôle en lançant ces opérations de séduction, en attirant même le président de la République à la grande mosquée de Paris, c'est leur rôle. Hein. Ils essayent d'enfumer les gens, très bien. Mais moi, ce que je trouve lamentable, ce que je trouve déplorable, c'est qu'un certain nombre de Français, naïfs, idiots, couillons, pour employer le juste mot, se sont laissés piéger, hein, sont tombés dans ce piège grossier parce qu'ils ignorent tout des textes du Coran, des hadiths, ils ignorent tout de cette ruse qui est un devoir pour les musulmans, hein, et ce mensonge qui s'appelle la taqiyya. Donc c'est pas les musulmans qu'il faut accabler, hein, ce sont tous les Français qui se sont fait avoir par cette comédie. Voilà, j'en termine. Sûr, mais je pense pas qu'il y en ait eu tellement. Parce que, croyez-moi, s'il y avait eu des files d'attente à l'entrée des mosquées, ça serait vu. Pour aller les visiter, nous aurions eu un étalage de ces photos sur l'ensemble des médias. C'est vrai. Je pense que ça a été un échec considérable, qui a même poussé probablement Monseigneur Di Falco, car là aussi on pourrait parler de l'épiscopat français en ce moment, c'est dramatique. Monseigneur Di Falco, qui a eu le culot probablement pour que les Français et ses ouailles se précipitent dans les mosquées pour savoir de quoi il s'agit et à quoi ça ressemble, a eu le culot de s'exclamer « Mais de quoi les chrétiens ont-ils peur ?» Alors, quand on entend un homme qui est quand même le représentant de l'épiscopat français, qui en est même partie prenante, et donc le chef des chrétiens, demander aux chrétiens de quoi ils ont peur au lendemain, des agressions massives en Europe de femmes au surlendemain, mais c'est une façon de parler, des attentats du 13 novembre où il y a eu quand même 130 morts, on a envie de dire à Monseigneur Di Falco que nous avons peur pour nos femmes, pour nos filles, pour nos sœurs, que nous avons peur d'être tués et que nos enfants le soient s'ils se promènent dans les rues de nos villes à tout moment, comme ça a été le cas, et que ce sont des peurs concrètes. Bien sûr. Et légitime, et légitime. Par des réalités, et que c'est scandaleux qu'un homme qui porte la croix sur son pectoral ait le culot de dire à ses ouailles de quoi avez-vous peur ? Bon, oui, très bien. Dans ces circonstances. Alors, ça, c'est ce que je peux dire sur cette opération, d'accord. Puisque c'était lié, cette réaction. Mais pour revenir à Cazeneuve, et ceci, c'était toujours dimanche dernier. Il y a eu une grande manifestation, là encore, à la place de la République pour déposer des gerbes, enfin bref, et pour lire des textes de Victor Hugo, le pauvre, parce qu'il n'y est pour rien et on l'utilise beaucoup. Et Cazeneuve, ce jour-là, dimanche dernier, a eu une altercation avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui parlait et qui évoquait les agressions sexuelles dont avaient été victimes des femmes à Cologne deux jours avant, hein, ou quelques jours avant. Cazeneuve s'est emporté et lui a déclaré « Il faut arrêter de dire qu'il y a eu des viols en Allemagne, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. » Ah bon ? Est-ce qu'on se rend compte du niveau de désinformation volontaire, de mensonge? C'est pratiquement un niveau qui aurait pu donner lieu à des accusations de haute trahison. Un ministre qui est capable de dire le dimanche 3 ou 4 janvier, ou 5 ou 6 ou 7 janvier, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé 8 jours avant, à Cologne, exactement, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, et que donc forcément il a des données de première main de la part de ses services. Bien sûr, bien sûr. Pratiquement une désinformation officielle. Et c'est là que je voulais embrayer sur ce qui s'est passé en Allemagne, quand même. Parce que les chiffres sont maintenant plus connus. En tout cas, les chiffres. Et il n'y a pas eu que Cologne. Alors non, il n'y a pas eu, bien sûr, que Cologne. Il y a eu Cologne, Hambourg, Düsseldorf, Stuttgart, Nuremberg. Une ville qui s'appelle, alors qui est plus petite, mais où c'est, ce qui s'est passé est aussi très choquant, c'est Bielefeld, je le dis en le prononçant à la française. Les chiffres officiels, hein, il y a deux jours, le 10 janvier, étaient de 516 plaintes à Cologne, 133 à Hambourg, 41 à Düsseldorf, et dans cette petite ville dont je viens de parler, oui. 500 immigrés ont forcer les portes d'une discothèque et, une fois à l'intérieur, ont agressé les femmes. Là, on n'a pas le nombre de plaintes, mais est-ce qu'on s'imagine ce que représente dans un lieu fermé, 500 hommes qui forcent les portes et qui ensuite se comportent de manière violente à l'intérieur contre les femmes. Et ça, on n'en a pas parlé, évidemment, sur les grands médias. On a parlé de Cologne, mais les autres villes qui ont été le théâtre de toutes ces agressions sexuelles, de tous ces méfaits, on n'en a pas dit un mot. Pas dit un mot. Donc, on est quand même devant quelque chose qui est massif, car il faut rajouter à ce dont je viens de parler, l'Autriche, où il y a eu de violents incidents également autour de la gare. D'ailleurs, les gares ont été souvent le siège, le lieu des incidents. Il faut rajouter la Finlande, dans laquelle d'ailleurs des milices aujourd'hui de citoyens se sont formés et patrouillent pour se protéger et protéger les leurs dans les rues. Alors au point que, bien sûr, le ministre de l'Intérieur de Finlande dit « c'est à la police à faire ce travail ». Enfin bref, on est là devant la séparation de plus en plus rapide entre les peuples et leurs gouvernants, et entre les peuples et leurs administrations. Alors, ce qu'on peut dire aussi qui est récent sur l'Allemagne et sur ce qui s'est passé, c'est l'écart grandissant entre le gouvernement fédéral et les Länder, et en particulier la Bavière. Il y a quand même des faits qui sont un peu récents, qui viennent d'arriver. Alors d'abord, le ministre allemand du développement annonce quand même qu'il y a entre 8 et 10 millions de réfugiés en route. Est-ce qu'on se rend compte de ce que cela signifie quand on sait qu'il y en a eu 1 100 000 depuis le mois de septembre qui sont rentrés en Allemagne ? C'est fou, c'est fou. Bien. Alors, d'autre part, toujours en Allemagne et en Bavière en particulier, la justice bavaroise vient de faire le ministre de la justice du Land de Bavière vient de faire faire une étude par un des juges, des anciens juges à la Cour suprême allemande, sur la constitutionnalité de l'opération de Merkel, et vient de déclarer que cette opération, c'est-à-dire l'ouverture des frontières sans contrôle et l'appel à émigrer en Allemagne, est totalement inconstitutionnel et même enfreigne la Constitution, c'est les termes utilisés. Ah, je crois que le problème n'est pas fini. Bon, cher Georges, vous voyez, on il est nous dans reste... une situation de séparation de plus en plus rapide entre les hommes, les peuples et leurs gouvernants. C'est certain. Et ceci va avoir des conséquences graves. Et je crois que les tragédies entraînées par l'afflux massif de tous ces immigrés clandestins n'a pas fini de poser de gravissimes problèmes. Une seconde pour donner une information dont nous avions parlé et que je n'ai pas eu le temps de développer. Oui. Une seconde. Il y a eu quand même, en dehors des viols, quelque chose qui a été encore pire, me semble-t-il. C'est le défilé de la Saint-Sylvestre à Berlin par les mêmes immigrants, mais qui là au lieu, apparemment, de violer des femmes, puisqu'on n'a pas de plainte à Berlin, mais la vidéo montrait bien, se sont promenés avec des revolvers, avec des pistolets, et ont tiré en l'air comme ils le font au Moyen-Orient. À ma connaissance, il n'y a pas eu de suite à ce genre de comportement, là encore, massif. C'est incroyable pour montrer que finalement, ils veulent être les maîtres. Ils veulent être les maîtres. Voilà. Bon. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire en 5 ou 6 minutes. Sinon, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais ça fait 10 minutes hein, que vous avez l'antenne. Et je ne le regrette pas parce que toutes les précisions que vous nous avez apportées, toutes les révélations sont très intéressantes. Eh bien, cher Georges Clément, je souhaite que le comité Les Pentes continue le combat qu'il mène, je le rappelle, pour la défense de la France française et de l'Europe européenne. Et surtout, pour informer les gens de ce qui se passe réellement dans notre malheureuse Europe et dans notre France bien, bien blessée aussi et bien, bien menacée. Voilà. À très bientôt, Georges. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Bon, cher Michel, vous nous identifiez, s'il vous plaît, et vous lisez les messages qui sont arrivés nombreux. Alors, chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin. Et vous venez d'entendre Georges Clément, conseil international, secrétaire général du comité Les Pentes pour la défense de l'Europe européenne. Je poursuis la lecture des messages. Un auditeur, le président va à la mosquée de Paris pour la journée porte ouverte, mais ne se rend pas à l'église de Fontainebleau qui a été profanée. On peut être partout. Bravo, monsieur le marquis. Il a refusé de se rendre à Lourdes. Tout est dit. Lors des inondations, n'avons-nous pas un président qui pratique là des discriminations en matière religieuse ? Un auditeur dit « Vous n'avez pas répondu à mon message concernant l'état de droit. Je vous remercie pour votre réponse. » Henri de Lesquin est parti. Je suggère à cet auditeur de rappeler lundi au cours de l'émission. On peut résumer la chose en disant « Vaut mieux l'état de droit plutôt que l'état de tordu. » Ah oui, ah oui. Alors, un auditeur « Bravo pour votre émission, monsieur Marin. » Et donc, c'est un message signé. Donc, bonne année à Gérard Marin et à Radio Courtoisie. Et bravo pour la chronique à laquelle il faut ajouter l'agression antisémite de Marseille par un musulman kurde avec une machette. La chronique que vous avez lue en préambule de l'émission. Oui, bien sûr, bien sûr. Un auditeur... Mais ça n'arrête pas, là. Il faudrait sans arrêt... Ajouter les méfaits aux méfaits, c'est effrayant. Un auditeur nous dit « Je suis béat d'admiration devant le génie de l'invité de ce soir. » Un auditeur « Comment éviter de prêcher des convaincus? Comment ne pas faire de l'entre-soi? Je serai présent samedi 16 janvier et je vous poserai la question que j'avais posée au forum de la dissidence. Comment s'engager concrètement ?» Un auditeur de... J'ai déjà répondu plusieurs fois, et des gens d'ailleurs... Au forum de la dissidence aussi, la réponse a été donnée. Voilà, la réponse a été donnée, et il y a des auditeurs de Radio Courtoisie, comme c'est Emmanuel Dumont, qui a mis en route vraiment une association de combat pour ouvrir les yeux des gens qui ne veulent pas encore les ouvrir, qui ne veulent pas regarder les réalités en face, bien sûr. Un auditeur de Radio Courtoisie, comment conciliez-vous libéralisme économique et patriotisme, sachant que la finance cosmopolite se revendique du libéralisme aujourd'hui, le terme exact n'est-il pas protectionnisme libéral ? À propos du carrefour de l'horloge, le thème « Patrie et liberté » est-il un clin d'œil au parti Pinochet, autre national libéral, qui s'appelait « Patrie et liberté » ? Une auditrice, Monsieur de Lesquin, quand dresserez-vous le bilan du nombre des casseroles de Monsieur Sarkozy, en nombre précis ? Et un auditeur, je n'ai rencontré personne à droite qui ne m'ait dit qu'il ne veut plus de Sarkozy, et c'est aussi mon opinion. Si par malheur Sarkozy gagnait la primaire, Hollande est assuré d'être élu. Un auditeur, Monsieur de Lesquin, quel est le parti français qui est réellement à droite et pour qui faut-il voter ? Parti de M. de Lesquin. Oui. Un auditeur. Écoutez, je crois franchement qu'il n'y en a pas actuellement. Ben non. et un auditeur encore. Hélas. Pour Henri de Lesquin. Je partage sous réserve l'analyse que vous faites de la situation de la... Alors, je ne sais pas si c'est sous réserve ou sans réserve, l'analyse que vous faites de la situation de la France, mais je vous avoue que je suis surpris de vous voir laisser croire aux Français que l'on va changer les choses par les urnes. Vous dites souvent que le système gouverne mal, mais se défend bien. Alors c'est sous réserve, plutôt que sans réserve, oui, vraiment. Mais vous savez, cher auditeur, il peut se passer des événements totalement imprévisibles qui peuvent bouleverser la donne. On ne peut pas, on ne dit pas dans le mar de café, on ne sait pas, mais il faut garder l'espérance, c'est tout ce que je puis dire. Alors, les messages sont arrivés extrêmement nombreux. Je n'ai pas pu jusqu'ici saluer la mémoire de mon confrère et ami François de Sainte-Marie. Je voudrais quand même le faire parce que j'ai éprouvé une peine très profonde en apprenant sa mort il y a quelques jours. C'était un homme d'une grande courtoisie et d'une réelle gentillesse, un journaliste scrupuleux, rigoureux, d'une parfaite honnêteté intellectuelle. Il connaissait à merveille tous les aléas de la marche du monde et les analysait avec pertinence à ce micro. C'était aussi un confrère et un ami très fidèle qui aimait m'inviter à son émission, le Libre Journal de François de Sainte-Marie. Ce chrétien généreux et toujours en recherche de la vérité a eu de très émouvantes obsèques à la basilique Sainte-Clotilde, vendredi dernier, à la basilique Sainte-Clotilde, emplie d'une foule recueillie. Adieu François, mais nous te regrettons car tu as fait à Radio Courtoisie un travail très très précieux. Bon, nous en avons fini avec mon cher Franck, il nous reste 2 minutes. Cher Marquis, est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur cette première partie d'émission? J'ai un commentaire. Je voudrais rappeler que, contrairement à ce qui a été dit, Monsieur Di Falco ne représente plus que... Enfin, Monseigneur Di Falco, évêque de l'évêché le plus crotté de France, et ne représente plus rien du tout. Il a représenté l'épiscopat du temps de Monseigneur Lustiger, qui l'a écarté. Donc, Monseigneur Di Falco ne représente que lui-même quand il parle. Et je lui dis de faire attention, parce que de temps en temps, comme tous les curés, il se met en robe... Il pourrait lui arriver des bricoles. Oui, cela dit, c'est quand même concernant. Non, mais attendez, j'entends ce qu'il a dit dans la bouche d'un prélat. Voilà. Il ne représente personne. J'ai dit qu'il fasse attention quand il se met en robe, parce que bon, une robe, ça peut exciter les immigrés qui aiment bien les dames. Merci, voilà. Mon cher Jean-Paul. Michel, rien à ajouter pour l'instant? Non. Eh bien, nous arrivons au terme de cette première partie de ce Libre Journal de la Résistance française. Et dans quelques minutes, nous reprendrons l'émission avec des sujets, disons, un peu moins tristes, hein, que ceux évoqués jusqu'ici. Oh, c'est terrifiant.